Je s'appelle Groot. Oh. Je s'appelle Groot. Oh. Now, yeah. Voilà, là, je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Ça... Non, j'ai l'impression que c'est bon. Je s'appelle Groot. C'est Je s'appelle Groot. peut-être trop... Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. J'ai trop secoué ma tête. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Groot, c'est moi. Ich bin Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà, je peux le refaire vite si tu as besoin.